pendant la défaite allemande, durant les deux guerres, pendant l'entre-deux guerres, durant les deux guerres mondiales en 1945, l'a amené, n'est-ce pas, sous la pluie des sanctions, à perdre, n'est-ce pas, à perdre un peu son rang au niveau international, mais sa puissance économique qu'elle a su maintenir, qu'elle a pu retrouver, lui donne un rôle de premier plan en Europe. Et quand on regarde la situation économique de l'Allemagne, qui a besoin des matières premières stratégiques, elle ne peut que, n'est-ce pas, se lancer, retrouver, un peu que de retrouver ses velléités impérialistes d'hier. La ministre des Affaires étrangères allemande, c'est un cas particulier. Hein. Elle vous rappelle celle qu'on appelle fond de l'Union européenne, une faussaire. C'est-à-dire, elle vit de faux, sa biographie est faussée, les diplômes sont faux. Je vous dis, hein. C'est en aller là, Braubeck, elle a un nom compliqué là. Braubeck, c'est quoi là? Elle est comme, elle dit, fond de l'Union. Et vous vous demandez pourquoi des pareilles personnes arrivent, n'est-ce pas, dans les hautes fonctions. Ce n'est pas le fait du hasard. Parce que des pareilles personnes, quand elles sont dans les hautes fonctions, on les tient à travers leur sale parcours. Elles sont capables de faire n'importe quoi. Parce qu'on les tient. On les tient. Donc vous avez Von Leyen, vous avez la ministre des Affaires étrangères allemande. Donc vous voyez le comportement qu'ils affichent. Donc pour ça, l'Allemagne va marcher de main dans la main dans l'Union européenne quand ça sera nécessaire. Mais à défaut de l'Union européenne, elle va poursuivre ses objectifs. À titre au niveau étatique. N'oubliez pas qu'il y a une alliance géopolitique majeure entre l'Allemagne et l'OTAN, puisque le siège de l'OTAN, c'est où? Son siège opérationnel, ça n'oubliez pas, c'est à Francfort, c'est en Allemagne. C'est en Allemagne. Donc, ce n'est pas des choses, l'Allemagne, l'agitation de l'Allemagne, ce n'est pas le fait du hasard. C'est-à-dire que la structure de l'État allemand la prédispose et l'oblige, n'est-ce pas, dans le contexte actuel, de se lancer, n'est-ce pas, c'est-à-dire de donner du contenu concret. En fait, elle n'a jamais renoncé à ses anciennes colonies. D'ailleurs, elle les réclame depuis, dans le cadre de leurs accords secrets. L'Allemagne estime qu'on lui a arraché ses colonies, on a dû le remettre. À défaut de ça, qu'on lui compense ça par une place au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sont des dossiers qui sont sur la table dans leur réunion secrète et ils ne jouent pas avec ça, quoi. Alors, la situation actuelle de la France, n'est-ce pas, peut justement amener les Allemands à être plus offensifs, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, jouer ce rôle-là, pour essayer de combler un vide d'une manière ou d'une autre. Vous ajoutez à ça les incertitudes qui planent sur l'avenir de l'Union européenne, qui planent avec son écho, qui peut s'effondrer à tout moment, et cette Union européenne qui peut se disloquer à tout moment. Donc vous voyez que beaucoup de... Il y a eu le Brexit, un Frexit n'est pas exclu, et je ne sais pas comment on va appeler l'Allemagne, c'est quoi je ne sais pas comment on va appeler ça, mais bon. L'Allemagne Frexit, en attendant qu'on trouve le mot, tout ça ne sont pas exclus. On regarde la situation aujourd'hui qui prévoit en Europe. Donc ça, c'était pour le premier enjeu. Le deuxième enjeu de cette affaire, de manière plus fondamentale, c'est que les alliances globales, c'est pas, qui s'affrontent dans le puissance du Sahel, c'est-à-dire d'un côté l'OTAN, et de l'autre côté l'alliance des BRICS et tout ce qui tourne autour, et de l'autre côté, les accords bilatéraux directs qui lient le Mali à la Russie. Vous prenez cet exemple-là parce que, contrairement à ce que les gens pensent, la Russie n'est pas le seul partenaire du Mali. Donc, vont s'affronter. Et au niveau du Conseil de sécurité, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est face à la communauté internationale autoproclamée, la France, l'Angleterre et les États-Unis. Alors, dans de pareilles situations, il arrive souvent que il y a des négociations. C'est-à-dire que pour préserver l'essentiel. Alors, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de dire que les négociations entre les puissances, dans un pareil contexte, la Russie, la Chine, si ça verrait qu'il y a une négociation au niveau du Conseil de sécurité pour trouver une solution négociée, que ça serait une trahison. L'État malien veille très bien sur ces choses-là. L'État malien veille. Mais c'est une issue qu'il ne faut pas écarter. C'est-à-dire que quand une puissance est coincée comme ça au Conseil de sécurité comme la France, ils ont tendance à négocier, à dire que bon, ok, moi j'ai ça dans mon... j'ai ce caillou dans ma chaussure, mais toi aussi tu en as ici. Donc, essayons de voir ce qu'on peut faire. Je ne serai pas humilié dans cette situation. Ça, c'est un des scénarios. Mais dans ce cas, qui gagnerait le Mali? Le Mali va gagner toujours, parce que c'est le Mali qui a l'épreuve. C'est pas la Russie qui a l'épreuve, c'est le Mali qui a l'épreuve, et c'est le Mali qui a engagé la procédure. Même si le Mali siège au sein du Conseil de sécurité. Bien sûr, c'est elle qui a l'épreuve, c'est elle qui a porté plainte. Donc le Mali doit gagner toujours. Elle a déjà gagné. Parce que c'est la première fois, ça fait très longtemps, ça fait bientôt des siècles, qu'on n'a pas vu un État africain arriver à ce niveau d'affirmation géopolitique, d'affirmation en termes de dignité, en termes de, d'indépendance, en termes de défense de ses intérêts. On est là devant quelque chose de très gros, de très fort. Contrairement à ce que c'est un courant africain veut laisser croire, on fait l'impasse dessus, c'était rien. C'est une bombe historique qui était là devant nous. À tout point de vue, c'est un indicateur de l'accélération de la situation géopolitique en Afrique, dans le sens, n'est-ce pas, du basculement panafricaniste. C'est cela qui est au cœur de cette affaire. Donc, la France fera comment? Comment elle va faire? Parce que ça ne sert à rien de brailler. Tout ce qui reste à la France, c'est d'essayer de passer par derrière, essayer de flatter les partenaires du Mali pour dire que nous négocions en cachette, machin et consort. Elle fera quoi? Il y a les preuves. Ce n'est pas un débat, il y a les preuves. Bon, même à l'heure actuelle, nous ne vous fiez pas à certaines apparences. Les Américains, par exemple, sont cet État criminel, j'aime préciser toujours, savourent cette joie de liquider la France pour occuper tout l'espace. Ça, c'est connu derrière l'unité de façade qui est là, c'est que les Américains n'hésitent pas à liquider la France sur le terrain géopolitique en Afrique pour prendre les devants. C'est-à-dire que l'argent, n'est-ce pas, qu'on donne aux gendarmes. On va prendre ça, on gère, parce que le gendarme est incompétent. Et d'un côté, la France, l'État français, l'appareil d'État français, je ne dis pas M. Macron, lui, il est un Français de peau, mais c'est un mondialiste, c'est connu. Donc lui, il s'en fout de la France. La France, pour lui, c'est un label sur lequel il marche pour défendre les projets mondialistes. Mais il y a quand même un appareil d'État historique en France qui, n'est-ce pas, au nom d'une certaine idée de la France, n'est-ce pas, n'accepte pas, n'est-ce pas, cette façon pour les Américains de liquider le prestige et la grandeur de la France. Mais pour ça, il faut régler la question de M. Macron et la question de Joe Biden, parce qu'il y a une alliance entre Macron et Joe Biden. Ça, c'est élémentaire. Donc, il faut régler cette question. Donc, vous avez, c'est une plaque géopolitique extrêmement dynamique, extrêmement complexe, mais dont les lignes de résistance, les tendances lourdes sont celles que je suis en train de vous mettre sur la table. L'autre enjeu, c'est le plus fondamental de mon point de vue, et c'est ça qui est très important, c'est que le Mali a repris l'initiative diplomatique face à l'offensive de la France qui a voulu, à travers la résolution autorisant la MINUSMA à enquêter ses droits de l'homme, avait là la couverture qu'elle voulait pour perpétrer les actions terroristes et assassiner Assimi Goïta et renverser le régime malien. Il faut dire les choses claires. C'est ce que montrent les dernières attaques de Kati. Mm-hmm. Donc vous voyez comment la plus grande base militaire du pays. Ouais. Alors, la sophistication du matériel et de la démarche en termes de stratégie prouve qu'on est arrivé à un autre niveau. Des drones ont été mobilisés. Il y a une coordination entre les drones et les terroristes, entre les unités terroristes, entre guillemets, des forces spéciales. N'est-ce pas? Les terroristes, ça veut dire les forces spéciales françaises, et leurs valets ivoiriens et nigériens, tous ces gens que la France a sous la main, là, et tout. Vous voyez comment ça a été fait maintenant. Ce n'est pas la population qu'on a visée. Il était question d'en finir avec Assimi Goïta et le régime malien. Donc, il faut cette ouverture-là à la France au niveau des Nations Unies pour essayer, n'est-ce pas, de légitimer, de couvrir ces crimes. Comme ça a toujours été le cas. En Libye, en Côte d'Ivoire, partout, vous le savez, la résolution des Nations Unies quand on regarde les pays africains. Donc, là, le Mali a tout renversé. Ça a commencé avec l'arrestation des 49 mercenaires militaires ivoiriens. Et là, l'expulsion du porte-parole de la MINUSMA, je crois, c'était lui, je crois. Absolument. On l'a expulsé parce que c'est un petit sauvageon, n'est-ce pas? Et maintenant, cette affaire où on va à l'ONU, le Mali passe à l'offensive à un niveau très puissant, dans un contexte même où il va être même difficile pour la France même d'essayer, je le dis, de négocier même dans le cadre traditionnel des négociations entre puissances au niveau du Conseil de sécurité. Parce qu'à l'heure actuelle, la dernière nouvelle, c'est que Poutine considère que la France n'est pas un pays ami. Il a dit, Poutine considère que la France n'est plus un pays ami. Ça a une signification au niveau géopolitique. On ne traite pas un pays qui n'est pas un ennemi, mais qui n'est pas un pays ami, de la même manière comme on était un pays avec qui on a des accords bilatéraux de coopération fortes, comme ceux qui lient le Mali, n'est-ce pas, à la Russie. Donc on est dans cette donne-là. les relations entre le président Poutine et le petit valet de l'Élysée, n'est-ce pas, se sont détériorées ces jours-ci, et vous avez vu, à la faveur de sa visite foireuse au Cameroun, comment il s'est comporté. En pleine visite officielle, il s'est mis à attaquer violemment la Russie, à s'agiter à Dine, à attaquer le Mali, à attaquer le Centrafrique, dans des termes, n'est-ce pas, de sauvagerie diplomatique à nulle autre part, pareil, montrant par là la faiblesse de la France. C'est-à-dire que parce que avant, la France, quand elle contrôlait son plein carré, ne criait pas comme ça. Vous dérangez la France, un matin, elle est finie comme vous a renversé, et que vous mangez la chair humaine. Et c'était fini pour vous. On vous débarquait. Maintenant, la France, M. Macron, est obligé de pleurer parce que c'est la seule chose qui lui reste à faire. Il est impuissant devant la situation. Donc cette impuissance géopolitique, c'est ça, n'est-ce pas, qui est derrière la démarche du Mali. Mais c'est quand même osé, ça. Ça fait combien d'années, de siècles, qu'on n'a pas vu ça? Combien de siècles, qu'on n'a pas vu ça? Alors il y a une accélération de l'histoire en Afrique qui est extraordinaire. Et que le Mali porte, pas seulement le Mali. On peut parler actuellement. Au niveau d'Afrique centrale, vous savez qu'il y a une dynamique de fusion entre la CEAC et la CEMAC. Et ce n'est pas placé sous les auspices de l'Occident. Donc, il y a des dynamiques. Et vous savez, les anti-biaïstes primaires, quand ils voient ça, ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Tous ces gens-là qui ont voulu présenter l'Afrique centrale comme un lieu de ténèbres où rien ne bouge, ils sont tellement, ces temps-ci, mal en point qu'ils ne parlent pas, ils ne savent pas quoi faire. Mais les faits sont là. Les faits sont là. Bon, nous, on dit ça depuis. Les faits confirment ce que nous on dit depuis des années. Ben, ce n'est pas de notre faute si on est plus vigilant, pour rester humble, vigilant, pour analyser cette situation-là, et qu'on assume un rôle d'avant-gardiste historique. On l'assume. Donc, vous voyez que la situation, n'est-ce pas, qui prévaut dans le champ géopolitique mondial en général, et dans les épicentres qui relaient ces mutations géopolitiques au niveau africain, nous donne un thermomètre d'une situation où, mais ça bouge dans le bon sens. Et cette plainte, n'est-ce pas, qui est portée au Conseil de sécurité, est un peu la quintessence de cette Afrique panafricaniste qui est debout et qui n'entend plus pour rien au monde, n'est-ce pas, céder sur les questions essentielles, n'est-ce pas, de sa survie, de son indépendance, de sa souveraineté et de la dignité de sa population, mais surtout de ses responsabilités internationales. Moi, je vous rappelle que le Mali est l'un des rares pays au monde, le premier, à reconnaître la République de Donetsk et de Lugansk. Et surtout celle de Taïwan, l'île de Taïwan comme appartenant à la Chine. Là encore, elle a réagi au niveau de la Chine et l'a publié. Officiellement. Officiellement, donc. Il y a là une affirmation de nos responsabilités internationales que ça fait des siècles. Aucun pays africain n'osait. Tellement on était écrasé par l'impérialisme occidental, on était massacré par la France, qu'il n'y avait même pas le temps de penser aux choses comme ça. C'était réservé à la France. Ce qui se prononçait, c'est tous les dossiers internationaux pour le compte de l'Afrique. Le jour où un pays africain parlait, c'est que la France lui avait autorisé que, bon, parle un peu. Sur ce dossier-ci, il ne faut pas qu'on voit la France. Toi, parle un peu. Quand tu vas parler, démine-nous le terrain. Nous, on va intervenir à un niveau élevé. C'est à ce niveau où on était. Mais regardez aujourd'hui. Regardez l'Afrique aujourd'hui. Qu'il y ait des États qui détraitent, qu'il y ait des Bazoum, des Ouattara et consorts. Oh, ça ne nous intéresse pas. Ils seront balayés par l'histoire. Mais ce qui est important, c'est la dynamique. C'est la dynamique. Au niveau de la véritable société civile, au niveau de la vraie opinion publique, au niveau des présidents qui se démarquent et qui prennent de plus en plus d'initiatives. Vous comprenez même un monsieur comme Tshisekedi, qui fait honte à l'Afrique, mais a été obligé de constater que, mais, ce soit des parrains américains ne peuvent rien contre lui. Ils l'ont rapidement livré à un petit État. Je ne dis pas au petit peuple rwandais. Hein. Petit État, je ne parle pas du peuple rwandais, dirigé par Kagame, ce supplétif génocidaire. N'est-ce pas? Il a vu comment les Américains, on lui a dit que monsieur, on ne sanctionne pas le Rwanda. Et il a compris que le peuple a raison de commencer à faire des manifestations pour dire la Russie vient y. Et il commence à ouvrir les yeux. Donc ça bouge. Et c'est dans ce sens, c'est dans cette perspective qu'il faut inscrire ce dossier au Conseil de sécurité. Donc résumons-nous rapidement. Il ne s'agit pas de rêver. Nous n'avons jamais dit que l'ONU est l'endroit où on rend justice. C'est l'organisation criminelle à distinguer des membres de l'ONU. Attention. Quand on dit que l'ONU est une organisation criminelle, nous parlons de l'ONU en tant que structure fêtière. Nous ne parlons pas des États qui en sont membres. Les États criminels de l'ONU, on les connaît. C'est la France, les États-Unis, ce sont l'Angleterre. Voilà les États criminels de l'Union européenne, de l'ONU et leurs supplétifs. Mais je nous parlons de l'ONU. C'est une organisation criminelle parce qu'elle est aujourd'hui au cœur de tous les complots contre le continent africain. Des complots d'une grande intensité criminelle. Oui, c'est de la criminalité de haut niveau, l'ONU. Alors, donc, on n'attend pas de l'ONU qu'elle dise la vérité, qu'elle fasse de la justice en ce qui concerne l'Afrique. Mais c'est un théâtre. Je veux dire quoi? C'est une plateforme qui a une portée symbolique majeure au niveau de la résonance en termes d'universalité qu'on lui a fabriquée, qu'on lui a donnée. Et à ce moment-là, le Mali fait très bien, en termes de sagesse diplomatique, d'aller agiter, vous comprenez, d'aller agiter cette plateforme qui revendique l'universalité. Eh bien, tu es universel, ok. Voilà donc, voilà toi qui n'aimes pas le terrorisme, voilà donc un membre du Conseil de sécurité qui est pris en flagrant délit de propagation, n'est-ce pas, de formation, d'entraînement, n'est-ce pas, de protection des groupes terroristes. Voici les preuves. Alors nous, on va regarder l'ONU. Vous savez que le dossier ukrainien a montré la face du monde que cette organisation est dépassée par les événements. Absolument. Et aujourd'hui, pour exister, Monsieur le secrétaire général de l'ONU, ils sont obligés de louvoyer entre de la Russie, ils louvoient. Et bon, maintenant, elle existe encore parce que les puissances, dans leur combat géopolitique, ont besoin de l'utiliser encore pour un temps. Mais bientôt, mon cher Ndoum, lorsque les avancées géopolitiques vont entrer dans la phase d'une irréversibilité opérationnelle, vous allez voir que les jours de ce machin sont comptés. D'ailleurs, la Russie était claire. Il faut un veto au Conseil de sécurité pour l'Afrique. Ce n'est pas notre position. Hein. Nous, on ne veut pas un veto pour l'Afrique. Parce que nous, on veut un veto. Il faut réformer ce machin, tous les pays. Ben, il faut que l'ONU soit une organisation démocratique. Pourquoi on nous dit que la démocratie est une bonne chose? Et à l'ONU, il n'y a pas de démocratie. Il y a les grands États, il y a les petits. Un pays, une voix. Cette affaire de Conseil de sécurité est dissoute complètement. Parce qu'elle ne sert à rien. Elle est dissoute et on la réorganise dans le sens de la mettre en cohérence avec les enjeux nouveaux du monde. Vous comprenez ça? Mais c'est déjà un pas que la Russie dit, soit en premier lien pour dire que monsieur, nous on demande un droit de veto pour le continent africain. C'est la seule puissance du Conseil de sécurité qui le dit. C'est la seule. L'Occident ne l'a jamais dit. Même la Chine n'a pas encore dit. La Russie dit qu'il faut un droit de veto. Mais il y a plus, mon cher Fabrice, la Russie a dit que nous allons équiper les armées africaines d'armes de pointe. Un. Deux. Nous allons amener l'Afrique dans l'espace. Bon, entre les deux, il y a une chose qu'on ne dit pas. Je ne vais pas le dire ici. On va doter les Africains des armes stratégiques, décisives. Ce n'est pas de la philanthropie, non. Non. Je l'ai dit ici, fatigué, que la survie de la Russie l'oblige à construire des alliances globales qui correspondent à sa vocation géopolitique. Et l'Afrique est le continent qui, par excellence, est le meilleur partenaire naturel de la Russie. Donc, convergence d'intérêts, je l'ai dit ici, qui aboutit donc au plan géopolitique et au plan géomilitaire, donc au plan stratégique, n'est-ce pas, à cette nouvelle donne géopolitique et géomilitaire. Cette nouvelle donne stratégique, ceux qui font de la géostratégie comprennent quand je parle de stratégique. C'est-à-dire quand on dit stratégie, on est au niveau de l'équilibre des puissances au niveau mondial. Au niveau militaire, à l'échelle mondiale. C'est ça qu'on appelle les questions stratégiques. Vous comprenez un peu. Donc, vous voyez qu'on arrive à une situation où, mon cher ami, la Russie comprend que pour sa survie en tant qu'État, il ne s'agit pas seulement de sécuriser une profondeur russe. Même en Ukraine, il est question d'équilibrer la puissance dans une nouvelle donne mondiale sur le plan géomilitaire qui fait que l'Afrique soit désormais dans le rang des puissances stratégiques. C'est ça que ça veut dire. Mais ça, c'est une révolution au niveau de la scène stratégique mondiale. C'est une révolution. Et je dis encore, allez prendre le soin de lire les